Litchi, Lacrim, ouais, nous étions de vrais racailles, mais on ferait peur à des pros. Avec la maturité, t'as un nouveau Jon Snow. Même si tu peux le voir dans une villa Benavis, nous on n'a pas commencé par du trafic de cannabis. Pour te dire la vérité, nous tous on l'a pas choisi. T'as arraché la recette d'un chinois avant de choisir. Pas voulu faire du mal directement aux gens. La hagra ça paye pas, c'est pour les noms intelligents. Ouais, par contre faut jamais se laisser faire, non. Non, faut jamais se laisser faire. C'est l'histoire de Machiavel, une histoire de limite. Les lois de la rue, mon frère, c'est toi qui te les dicte. T'as voulu sauter à 10 quand elle est seule avec sa si peu. Tu vas au casino deux fois et tu deviens addict. On connaît tous les trucs, les poussettes et les boulots. Vous allez pas me la faire, non, tiens une minute, ça compte sous l'eau. Pour devenir, il faut se blesser. Essayer, tenir le cap, si on a qui essaie. C'est long ta cote, dans le respect, elle va bien baisser. Et à Dubaï, tu manges, je fais que t'engraisser. Mais la vibe pense que t'es faible. En gros, t'es pas un aigle dans les chichas de Panama. Dis ton nom pour te rabaisser, ouais, ouais, yo, ouais. Rame les deux Maserati, ouais. Nous, on n'a pas besoin de thérapie. On vit en terre thérapie. Oui, on a quitté la France. Mais plus de fou dans les sapis, je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Aucun vous n'était là, j'ai galéré dans mon enfance. Quand je vais dans les îles, gros, je le vis comme une vengeance. Rien que j'ai ma femme, fais-toi plaisir, achète encore. Le bateau qui prenne à 10, on le prend pour nous tout seul. Quand ils nous voient partir, ma parole, ils ont le seum. Ils comprennent pas pourquoi je suis pas là, porter leur sac. Les jeunes rebeux sont en place, on défie la logique. Tu nous excuseras, nous, on n'est pas allés aux Émirats. Oui, je paye en bateau, on ira. Bébé, où tu veux, prends tes valises et on ira. Pourtant, je veux la qualité et pour nos enfants. Même dans les draps, je veux de la soie, qu'ils aient la paix dans mes bras. J'étais petit, j'ai arrêté de féfé. J'en ai pas eu à moi et je m'en bats les couilles. Quand c'est pas des trucs comme ça, frère, évitez-moi. Quand les gens te voient dedans, tu leur dis niquez-moi. Frère, tu prends 200K, tu fais fructifier. Tu prends du bénéfice sans que personne le voit. Sois à tête de moi, ils veulent tous te boire. Si tu tombes de haut, ils voudront tous te voir. Sur la terre, on est 7 milliards. Fais-toi discret, tu seras vieillard. Ouais, go, écoute, dans le jeu de la vie, ne sois pas la boule noire qui est sur le billard. Quand j'écoute des sons rough, je suis sur l'autoroute. Un moment d'évasion,